nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Disparu en 2005, le compositeur Luc Ferrari reste l'un des grands noms de l'histoire de la musique dite concrète, de la musique électroacoustique ou acousmatique. Petite symphonie intuitive pour un paysage de printemps. Presque rien avec fille, l'escalier des aveugles, comme une fantaisie dite des réminiscences, et si tout entière maintenant, tête et queue du dragon, les titres de ses œuvres sont pleins de mystère et de poésie. Hétérozygote est certainement l'une des plus connues. En 1979, l'atelier de création radiophonique de France Culture en empruntait le titre pour brosser un portrait de Luc Ferrari. On y entendait notamment Pierre Schaeffer faire l'éloge de Luc Ferrari qui participa avec lui à la création du groupe de recherche musical. C'était aussi l'occasion de découvrir, en compagnie du compositeur, le studio dans lequel il travaillait et la manière dont se construisaient ses œuvres à partir de l'enregistrement de sons du réel. Atelier de création radiophonique, du côté d'un hétérozygote, portrait de Luc Ferrari, diffusé la première fois le 11 novembre 1979 sur France Culture. Je crois que ça doit être là. Le studio ici, c'est à la fois là où je mets mon vin et puis où il y a mes bandes aussi. C'est une espèce de mélange entre mes souvenirs musicaux et puis le vin que j'achète dans le midi chez mes copains vignerons. Merde, bah où est-ce qu'il est ce truc ? ACR, Atelier de création radiophonique. Atelier de création radiophonique. Du côté d'un hétérozygote. Luc Ferrari. Par Daniel Coe. Premier chapitre. À la recherche du quotidien. Yvette Tuchban, Michel Créis, Nicole Pascoe, Alain Claudel. Avec Patricia Croen, Jean-Marc Courel, Pierre Schaeffer, Alain Deschambourg, Brunhilde, Jacqueline, Sophie. Musique. Ce qu'a vu le CERS. Henri Fourest, Jules Calmette, Richard Breton, Alain Joulet. Algérie, la sidérurgie. Algérie, la révolution agraire. Musique anecdotique. Hétérozygote, musique promenade. Partition texte réalisable, Société 1. Pablo Cueco, le percussionniste numéro 1. Disler Farrington, la clarinettiste. Sylvain Cassap, le saxophoniste. Denis Pavier, le contrebassiste. Gérard Siracusa, le percussionniste numéro 2. Jacques Serrano, le trombone. Christine Sibyl, la pianiste. Égypte. Totologos 2. Lapidarium, antisonate, David Abramovitch, piano. Lecture. Le dispositif et son 10 négatif. Du côté d'un hétérozygote, Luc Ferrari. Premier chapitre, à la recherche du quotidien. Tiens, on va voir ça. Ça, c'est des éléments qui viennent du Portugal. pas ce que c'était. En fait, ça, je me demande bien ce que c'est. Moi aussi. On dirait une laverie ou... Ah, c'est pas mal, hein. Ça, alors, hein, c'est un peu effrayant. Je me demande si c'est pas... Parce qu'à Lisbonne, il y a un grand jet d'eau qui envoie des couleurs, des formes de jets d'eau différents. Et je me demande si c'est pas dans le souterrain du jet d'eau, dans les machineries. Tu vois ? On va un peu plus loin. Mais effectivement, c'est un truc qu'on peut pas... Dont l'anecdote n'est pas apparente. Hein. Ah oui, ça c'est intéressant. Là il y a du vent. Ce qui est normal parce que c'est un moulin à vent. Et maintenant il n'y a plus de moulin à vent. Et tous les moulins à vent sont des monuments historiques qu'on regarde ou que les gens ont achetés pour se faire des maisons dedans. Mais à cette époque-là, au Portugal, il y avait encore des moulins à vent en action. Et ça, c'est un exemple. Alors ça, c'est plus particulièrement la machinerie. C'est-à-dire les engrenages de la voile. Tandis qu'avant, c'était vraiment le vent dans les voiles. Alors ce qui est extraordinaire dans les moulins à vent du Portugal, c'est que toutes les voiles sont cousus avec des petits pots en terre. Et les petits pots en terre, le vent se prend dans l'embouchure des pots en terre, ce qui fait cette mélodie extrêmement complexe. Alors il y a des pots en terre le long de la voile qui sont plus ou moins grands et qui font cette espèce de chœur chanté qui est tout à fait étonnant. Et c'est cyclique, évidemment. Et là, on entend en plus de ça le bruit du vent dans le micro, parce que ce qui est bien normal, puisque c'est un moulin à vent. Tu les as utilisés, ces éléments ? Ça, j'ai utilisé ce moulin à vent, mais extrêmement ralenti, dans Musique Promenade. Et en fait, ralenti, très très ralenti, il devient comme un cœur d'homme au loin. Et je l'ai utilisé à un certain moment dans Musique Promenade, justement. Ah ben voilà. C'est les pêcheurs de Nazaré qui tire sur la plage un grand filet, retour de pêche, tu vois. Et donc le filet fait une poche dans la mer, et il y a deux rangées de pêcheurs qui tirent à 100 mètres de distance le filet, chacun d'un côté, tu vois. Et le filet fait donc une grande poche dans la mer, et c'est là où ils espèrent qu'il y aura des poissons, évidemment. Et il y a une tension formidable, il y a beaucoup de gens qui sont là du village pour assister à cet événement. Il y a les enfants qui crient, il y a les femmes aussi qui donnent des sollicitations avec leur voix pour aider, en fait, les hommes à tirer le filet. Et il y a le bruit des vagues, etc. Évidemment, c'est très difficile à enregistrer, c'est pas très bien enregistré. Mais c'est un événement humain extraordinaire. Ils s'expriment, étant donné qu'ils font un effort pour tirer ce filet, ils s'expriment en mélodie et en musique, parce que ça leur permet d'agir avec le rythme de la mer qu'ils sont obligés de suivre pour tirer ce filet. C'est-à-dire, quand les vagues se retirent, ils avancent. Quand les vagues arrivent, ils en profitent pour tirer le filet. Et tout ça, c'est accompagné par une mélodie verbale qui sont des échanges d'informations qu'ils se donnent de l'un à l'autre. C'est extraordinaire, on comprend tout ça, en fait. Je vais te poser une question, c'est lorsque tu as un enregistrement comme ça qui évoque beaucoup de choses pour toi, enfin il y a quelque chose d'affectif qui s'établit, et suivant que tu le places dans une musique ou que tu ne le places pas dans une musique, est-ce que ça fait une différence, enfin est-ce que pour toi? Pour moi, ça fait une différence. Là, le fait que ça soit pas dans une musique, ça existe en soi. Et si ça existe dans une musique, c'est-à-dire c'est une façon de mettre mon grain de sel dans un élément qui appartient à quelqu'un d'autre. Et en fait, à ce moment-là, je me l'approprie et je le monte à ma manière, quitte à changer éventuellement la signification. Encore que changer la signification de quelque chose ne m'intéresse pas tellement. J'essaye plutôt de mettre en relation des significations qui sont prises dans la vie et qui peuvent s'accorder de façon à montrer une histoire qui est en relation. C'est-à-dire les gens sont là, agissent dans des pays différents ou dans des situations différentes, mais finalement sont dans les mêmes problèmes ou sont dans les mêmes situations ou évoquent, ou bien le son évoque une situation de tension qui me semble donner des équivalences. Alors, évidemment, ça c'est moi qui agis en tant que compositeur à ce moment-là, et j'agis sur la réalité que je suis allé prendre. J'ai réalisé un certain nombre de morceaux orchestraux et électroacoustiques. Puis progressivement, des produits qui s'écartent des notions académiques d'œuvre, d'esthétique et de musique. Puis je suis parti avec un magnétophone. J'ai voyagé, pas très loin, mais beaucoup. Et j'ai enregistré des choses de la vie. Un jour, j'ai réalisé une pièce qui s'appelle Hétérozygote. Et depuis, je me suis lancé dans l'hétérozygotisme à outrance. Je joue un coup. Juste, il faut penser que la seule voie dans l'alternative actuelle, c'est le maximum de communication entre nous. Alors ça commence par s'écouter chacun. On n'est pas un tel individu, moi, toi, etc. Un groupe de musiciens se constitue. Mais on échange quelque chose. À eux de juger du nombre, du choix des instruments et des moyens. Un groupe hétérogène qui peut comporter des acteurs et des actrices. La marge de préparation est assez large. Elle peut être un simple accord sur la méthode, ou un accord sur des points de repère, ou sur un schéma, et peut aller jusqu'à la fabrication d'une véritable partition d'action. Il est possible de consulter le compositeur si besoin est, et s'il n'est pas mort, pour vérifier l'aspect général ou particulier de la réalisation. Il faut prendre la baguette. Et quand la concentration entre le pouce et l'index. Entre le pouce et l'index. Camarade syndiqué. Au niveau de la première phalange. Bien. De l'index. Le pouce vient se poser dessus. Et forme une pince. Je vais planter mes clous. Les doigts 3, 4 et 5. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Se rabattent sur la baguette et frôlent la baguette sans la serrer. J'ai déjà entendu ça, je crois. L'articulation du poignet se fait verticalement. Tu prends ta baguette, attends, je vais essayer en même temps. Exactement dans le prolongement du bras. Tout est permis pour arriver à exprimer un sentiment. L'attitude théâtrale et l'action dramatique venant compléter l'action musicale. Il faut penser et agir en toute liberté et au maximum de la fantaisie. La position de baguette. Tout est permis, cela veut dire que pour arriver à l'expression d'une idée, tout est permis. Tout est permis, cela veut dire que paradoxalement rien n'est interdit. Tout est permis, cela veut dire que tout est permis, même l'échec. Bon, tu lui demandes juste, mais après tu retournes au piano. C'est très très intéressant, oui, mais j'y vais. Nous sommes allés nous promener dans la jungle. Parce que ton attitude, elle n'est pas tellement convaincante. Nous sommes allés ramasser des fraises. Tu es là pour jouer du piano. Dans la jungle, avec les éléphants. Merci, hein. Tes ourdines sont complètement éparpillées. Les éléphants étaient éparpillés dans la jungle. Le violoncelle, il est là-bas. Je rangerai pas les éléphants dans la jungle. Va ranger les éléphants dans la jungle. C'est très très vulgaire ce que tu viens de faire, tu vois. Je veux dire, on n'arrivera à rien comme ça. Non, la position de l'instrument par rapport au ventre. Oui, le ventre. C'est quoi, de l'instrument? Bon, écoute, je t'ai dit de retourner au piano. Mais je t'en prie. Mais c'est important, on doit faire un truc ensemble. Bon, tu vas aller au piano. Attends, tu vas au piano. Je me souviens. L'instrument. Dans la jungle. Va être ni j'étais trop avec haut, des singes qui roulaient en Fiat. Trop bas. C'était le bon temps. Essaye de donner le maximum de toi. Écoute, regarde, ton elle vient de ranger le piano. Ouais, bon, mes doigts pas être trop loin. Bon, chouette singe. Bon, de manière à ce qu'on puisse toucher les instruments. Non, je ne sais pas. En tendant les bras. Par rapport à ce je crois qu'il vaut mieux que tu t'assises. Je ne sais pas jouer à ça. On m'a appris à jouer de jouer. Finalement, c'est assez bien classé, hein, ces bandes. Elles sont pas classées dans l'ordre. Elles sont classées plutôt par forme de... Moi qui suis pas tellement intéressé par la forme, j'ai classé mes musiques par leur forme de boîte. Pendant que tu cherches, on pourrait peut-être parler du studio lui-même. Oui. Qu'est-ce que je peux te dire? C'est un studio de travail dans lequel je peux faire du montage, je peux faire du mixage. J'ai l'impression de faire visiter un deux pièces cuisine. On peut ici laver la vaisselle, on peut ici aller water. Il y a un lit sur lequel on peut se reposer et réfléchir, parce que moi j'aime bien réfléchir en allongé. Je trouve que c'est très important. Et puis... C'est quoi, des cloches de vache? Ce sont des cloches cadeaux. Qu'est-ce que c'est, des cloches cadeaux? Des cloches qu'on m'a données en cadeau. Ce sont des cloches cadeaux. Moi j'attache beaucoup d'importance à ce qu'un lieu soit habité, c'est-à-dire soit un peu chaleureux, quoi, qu'on se sente pas dans un endroit de travail. J'ai horreur des endroits de travail parce que j'aime pas travailler. Donc s'il y a un bureau qui fait bureau de travail, bureau froid comme ça, sur lequel on sait qu'on va être obligé, dans une pièce qui fait bureau dans laquelle on sait qu'on est obligé de travailler, ça me paralyse complètement. Donc, j'essaye de mettre des objets qui me plaisent. Il y a des objets de mauvais goût. Oui, je vois une superbe... C'est une naïade en train de s'essuyer avec une serviette de toilette. c'est une femme nue qui a été peinte ensuite pour lui donner la couleur de la peau, parce que la peau, c'est intéressant. C'est une chose qui m'intéresse, là. C'est toi qui l'as peint? Non, c'est Brunhilde. Parce que moi, je suis incapable de peindre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a un tas d'appareils électroniques. Bon, ben ça, c'est pas intéressant. C'est-à-dire, il y a des magnétophones dont je ne dirai pas la marque, hein, puisqu'il ne faut pas faire de publicité. D'ailleurs, de toutes les manières, toutes les marques de magnétophones sont mauvaises. Donc il n'y a pas de raison de faire de la publicité pour qui que ce soit. Qu'est-ce que tu entends par là? Bah, les magnétophones, c'est pas bon. Les haut-parleurs, généralement, c'est mauvais. Les consoles de mixage, c'est très mauvais. Enfin, l'électroacoustique, c'est mauvais. Faut bien le dire. Tu travailles avec un matériel mauvais? Oui, je le sais. Mais je me mystifie pas avec l'électroacoustique. Je sais que c'est mauvais, que c'est beaucoup plus mauvais que ce qu'on trouve dans la réalité, qu'un instrument de musique vrai, qu'une clarinette, etc. Ce qui sort du haut-parleur, c'est vraiment dégueulasse. Je le sais, mais je fais avec ça. C'est-à-dire, c'est un compromis, quoi. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant ? Extrait d'Égypte. Ah oui. Voilà. Alors là, il faut trouver l'extrait qui m'intéresse là-dedans. Voilà. Et là, ça va être de la musique concrète, alors? Non, c'est instrumental. Donc le film, c'est un film de Jacques Brissot, avec Pierre Schaeffer a beaucoup participé à ce film aussi en tant que, conseiller esthétique. Il a travaillé au texte, il a voulu aussi participer au montage avec Jacques Brissot. Et moi, j'ai fait la musique de ça aussi en collaboration avec tous les deux. Ça date de quand? Ça date de 60, 62, quelque chose comme ça. Thank you. c'est assez intéressant. Je passe cet extrait-là parce que ça représentait à l'époque une préoccupation formelle assez intéressante. Pour moi, en fait, c'est-à-dire que ça représentait une nouveauté. Dans ce petit fragment instrumental, tout est basé sur la répétition des éléments. Et c'est une des premières choses où j'ai consciemment organisé les choses en répétition permanente, c'est-à-dire en évolution simplement par le fait des rencontres qui étaient chaque fois différentes, mais chaque élément musical et instrumental est d'une grande simplicité et se répète toujours en cycle. Et ça, je crois qu'on peut, l'entendre très facilement. En fait, c'est curieux, à l'audition, ça fait, comment dire, il y a par moments quand même comme des effets de surprise répétitifs, comme une discontinuité répétitive. Oui, c'est-à-dire que les modules de répétition sont assez compliqués. Il y a des choses, comme par exemple ce qu'on vient d'entendre là, qui se répètent à très très longue distance. Bon, il y a une petite phrase de clarinette au bois en tierce qui se répète à plus ou moins grande distance, mais tout de même assez grande. Et puis, il y a les petits éléments de notes isolées, harpe, clarinette, hautbois, piano, percussion, etc., qui se répètent d'une façon assez, dans un cycle assez bref. Donc, il y a un discours de répétition assez complexe et qui est hasardeux et en permanente et évolution. Des sons concrets. En fait, il y a l'orchestre là, qui est une dizaine de musiciens, je crois. Et puis, il y a un élément qui se répète, qui est un espèce d'attaque grave avec un glissando, suivi d'un glissando. C'était fait sur une longue corde en nylon. Et puis, ces espèces de choses... Sur une corde en nylon, je comprends. Tendue. Il y a une corde en nylon tendue à travers le studio et sur laquelle on frappe avec une maillotche ou une baguette en bois, par exemple. Oui, ça vibre. ça vibre, mais aussi on fait une on peut agir mélodiquement sur le son. Là, il y a un élément nouveau. Et ce qu'on entend derrière, là, c'est cette espèce de chose mélodie ambiguë. C'est fait sur des tôles sur lesquelles on frotte avec un archer et qui ont qui étaient faites de telle manière que finalement elles avaient un discours mélodique. Étant donné que c'est l'Égypte, c'est les temples égyptiens, il y avait cette espèce de mystère de... là-dessus, il devait y avoir le texte du livre des morts ou quelque chose comme ça, tu vois, alors... Daniel. Daniel. Daniel. Ah, ils sont là. Le placement, c'est par là, hein. C'est dans l'autre sens. D'accord. Tu connais cet hôtel, là? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est très joli. C'est un hôtel qui est dans un jardin, on peut y aller. Parce que d'un seul coup, au printemps au moins, on change complètement d'atmosphère parce qu'on n'entend presque plus le bruit des voitures. Et puis d'un seul coup, il y a des oiseaux. En automne, il y a les feuilles qui tombent, qui font un bruit du tonnerre. C'est joli, hein. On se rend à Paris, là. Ben, il n'y a pas d'oiseaux en ce moment, hein. Mais au printemps, c'est vrai qu'il y a des rossignols. Il y a toutes sortes d'oiseaux, mais si on pourrait le dire mieux que moi, qu'est-ce que c'est comme marque d'oiseau, moi j'y connais rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a des oiseaux qui commencent à chanter à 2h, 3h du matin. Et c'est extraordinaire, on a l'impression qu'ils sont complètement perdus parce qu'on se demande d'où ils viennent et comment ils se reconnaissent dans ce bordel de ville. Disons, tu parlais de Messian là, à propos des oiseaux, mais quels ont été tes rapports avec Messian ? Oh, mes rapports ont été réduits au minimum, étant donné que moi je suis arrivé à sa classe, j'avais 18-19 ans, et au bout de trois fois, il avait parlé pendant 2 heures d'oiseaux, la fois d'après il parlait de bon Dieu, et la troisième fois il parlait de couleurs d'arc-en-ciel qu'il mettait dans ses partitions. Moi j'en ai eu ma claque au bout d'un moment. D'abord parce que les oiseaux, c'est bien gentil, mais enfin... Et puis parler de Jésus, du bon Dieu et tout ça, de la religion, ça m'a été complètement insupportable. Alors je ne suis pas resté. Et avec Cortot ? Ah ben Cortot, j'étais un... C'était pas pareil parce que j'étais élève de piano. Pardon. Donc... Là, ça allait, j'avais pas de problème. Il s'agissait d'apprendre à jouer du piano, quoi. Et moi, j'étais un type que j'admirais assez. Enfin, j'avais beaucoup d'affection pour lui. Et en même temps, je pouvais dire ce que je pensais. Et il me faisait travailler des choses que j'aimais pas. Par exemple, il y avait des sonates de Mozart qui me faisaient vraiment chier. Hein, je lui disais... c'est mauvais, c'est de la mauvaise musique. Et alors il essayait de discuter, il essayait de savoir pourquoi je pensais que c'était mauvais. Mais je sais pas, il y avait un côté... finalement, il y avait un côté enfantin chez Mozart qui me déplaisait à l'époque. Maintenant, je trouve ça bien, hein, Mozart. Je trouve ça... Il y avait aussi Varès qui disait un jour, quand je l'avais rencontré, il me disait « Oh oui, il y a un maître. Il y a un mec, un compositeur que je peux pas piffer. Comment il s'appelle ? Luc Ferrari, musique promenade. Suite de sons réalistes et d'images sonores qui se télescopent. Un promeneur est heurté par la violence de ce qui l'entoure. La nature a disparu dans un tourbillon de militaires et d'industries, au milieu duquel on entrevoit un folklore agonisant et une jeune fille perdue. Coming up fast. nimmt die Teilchen auch ein bisschen auf Kraft und dann versuchen wir das. Schaeffer, à ce moment-là, il allait beaucoup aux concerts et il était très curieux de savoir ce que faisaient les jeunes. Et il était venu dans un endroit où je jouais du piano, où je jouais mes premières compositions, comme ça, puis il avait bien aimé. Et ça l'avait. Alors on avait causé, puis on se rencontrait de temps à autre. Moi, j'étais venu au premier concert de musique concrète. Et donc, on se voyait souvent, et puis il m'a dit de venir que je rentre au groupe de musique concrète à l'époque. On prend l'escalier mécanique, hein, c'était ouais, marrant. Ouais. Mais on n'a pas. Il y a longtemps, j'ai jamais été fâché avec Schaeffer. J'ai beaucoup d'amitié pour lui. Et je crois que c'est réciproque, mais on ne se voit jamais. En fait, les gens qui, généralement, quand ils ne travaillent plus, quand ils, comme Senakis, par exemple, qui a rompu d'une façon fracassante, avec, ou Boulez, qui, quand ils ont rompu avec Schaeffer, moi, pas du tout. Je suis parti parce que j'avais autre chose à faire, mais sans pour autant me fâcher. Bon, j'aime bien Schaeffer, moi. Tu prends souvent ce métro? Tu veux un ticket? Dans ces années-là, j'ai repris la recherche musicale, donc la deuxième époque après Pierre Schaeffer. Avoir laissé longtemps dans sa solitude Pierre-Henri au studio de la rue de l'Université. Je n'avais pas tellement l'intention de retrouver pour moi-même la composition. Le reproche que je faisais à Pierre-Henri était un reproche de caractère, si j'ose dire, administratif. Nous l'en sommes expliqués plusieurs fois. C'est-à-dire que Pierre-Henri était et est resté génial, mais accaparant le studio à lui tout seul. J'avais l'ambition d'ouvrir la musique concrète, sa démarche sonore et musicale, à bien d'autres jeunes gens. J'étais donc dans la situation de quelqu'un qui est tout seul, allant chercher quelque part des chercheurs. Ce n'était pas si facile de trouver des amis, de trouver les gens que je recherchais, parce que j'ai dit que je voulais ouvrir le studio aux musiciens, par esprit, disons, de service public, mais j'avais besoin d'oreilles. On ne peut pas faire une recherche expérimentale sans avoir des oreilles autour de soi, sans constituer le groupe même de l'expérience, puisque j'osais dire aux gens que je recrutais, vous aurez des temps de studio pour composer, mais en revanche, vous apporterez vos oreilles à titre expérimental. Pourquoi ? Ben pour que nous constations entre nous que nous reconnaissons dans les sons telle forme, tel caractère, telle valeur, que telle chose est pertinente, que telle chose ne l'est pas, etc. Bon. Je dois dire que ce langage les amusait, ils n'adhéraient pas forcément, mais enfin, ils prêtaient volontiers leurs oreilles, c'était aussi leur intérêt de découvrir un solfège, de m'aider à formuler ce solfège, et ils avaient en revanche de quoi composer, ce qui a toujours intéressé au premier chef les jeunes compositeurs. On m'a dit, oh, il y a un très bon ingénieur du son à Cognac-Gé, il s'appelait Parmigiani. Bon, j'ai débauché Parmigiani. On m'a dit, à la Maison des Lettres, il y a un nommé Ferrari qui a l'air astucieux, qui fait de la musique, qui, en groupe, enfin, qui a une espèce d'esprit d'équipe. C'est là que j'ai trouvé Luc, et je lui ai dit, viens. Il est venu. Alors, nous avions essuyé les plâtres avec Pierre-Henri, d'abord au tourne-disque et ensuite au magnétophone. Dans les années 50, 52, 53, ça se passe 6 ans après, ou 7 ans après. Le studio est pas mal équipé, et on lui dit, oh, il vaut mieux faire des études que des œuvres. Enfin, ça serait bien de faire d'abord des petites choses, pas trop longues, n'est-ce pas, pour ne pas tout de suite faire des kilomètres de pellicule et bloquer les studios. Et alors, je me souviens que la première étude de Ferrari, c'était une étude aux accidents, je crois. C'était une étude remplie de petits incidents sonores, très croustillants, très bien dessinés, très amusants. Et bon, c'était tout de suite un petit chef-d'œuvre. Enfin, c'était quelqu'un qui était formidablement doué. De toute façon, vous savez, la musique, ou bien il y a tout à apprendre, et on apprend toute sa vie d'ailleurs, ou bien on fait quelque chose tout de suite qui ressemblera probablement à tout ce qu'on fera toute sa vie. Hein, nous fonctionnons comme ça. Bon, il a fait hétérozygote, il a trouvé des noms très amusants. Et puis, il y a eu quelques années, là, très heureuses. Bon, à un certain moment, il a même, je crois, pris des responsabilités de, comme on disait, de chef de travaux, de chef de groupe. Ça n'a pas duré. Ferrari n'est pas quelqu'un... C'est quelqu'un à la fois de très social, de très sociable, hein, affectueux, amical, etc. Et en raison même de ce caractère, il n'aime pas conduire les autres, il n'aime pas s'imposer, c'est pas un autoritaire, c'est pas un agressif. Il est normal d'ailleurs que tous les garçons qui ont passé quelques années au GRM, au groupe, enfin avec ses divers noms, ensuite courent sur leur orbite, c'est pas. Et c'était d'ailleurs nécessaire pour que le groupe reste ouvert, ça, il se serait fermé sur les mêmes. Et on aurait recommencé non seulement le conservatisme d'un groupe esthétique, mais la conservation de quelques privilégiés. C'est à ce moment-là que Luc Ferrari est parti. Je l'ai suivi, bien entendu, amicalement, parce que nous avions noué entre-temps des relations extrêmement amicales, parce qu'il y avait une femme charmante qui porte un nom célèbre, puisqu'il s'appelle Brunehilde, et qu'elle a amené dans notre groupe le charme wagnérien et Renan aussi. C'était un groupe extrêmement amical, extrêmement charmant, et à ce moment-là, Ferrari a justement pris pas mal de contacts en Allemagne, il a professé là-bas, et moi, ce que j'ai aperçu de son orientation, c'est que c'était dans l'allure de son caractère, quelqu'un qui était plus intuitif que systématique. C'était pas tellement un solfégiste, un théoricien, c'était quelqu'un d'extrêmement ouvert et c'était quelqu'un de poète. un nouveau modèle de métro. Oui. Ouais, tu l'as pas vu celui-là? Mais oui, on se croirait à San Francisco. On se croirait à Hollywood. Hein. Et le bruit, le son du métro. Le son du métro m'intéresse pas spécialement, ça m'intéresse comme figuration du métro. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse dans le son du métro, c'est que ça représente vraiment le métro. Si on emploie, ce son-là, les gens reconnaissent tout de suite. Donc c'est intéressant. C'est pas du tout un intérêt musical que j'ai. T'écoutes celui-là arriver, par exemple. Sentimentalement, par exemple. Comme par exemple, il y a des musiques qui te souviennent, qui te font penser à une relation que tu as eue avec quelqu'un que tu as aimé beaucoup dans ta jeunesse. Le truc de Wagner, par exemple. Pour moi, le bruit du train, ça me rappelle toujours des souvenirs sentimentaux. Il y a les voyages que j'ai faits qui me rapprochaient de quelqu'un dont j'étais amoureux. Alors le bruit du train, c'est toujours ça, c'est toujours comme un bruit d'amour. Et quand tu étais là, je reviens à la discussion de tout à l'heure, là, quand tu étais au groupe de recherche, Pierre-Henri venait de partir, non? Oui. Oui, c'est-à-dire que moi, je suis arrivé quand Pierre-Henri s'en allait. Il se fâchait avec Schaeffer. Et puis, peu de temps après que je sois arrivé, il lui a envoyé à travers la figure sa lettre de démission. Je me souviens très bien d'un geste expressionniste, comme ça, très spectaculaire. Une lettre, une grosse lettre d'ailleurs. Ça a dû faire mal. Il y avait au moins 10 feuilles dans cette lettre-là, ça se voyait, elle était très épaisse. Il devait en avoir un gros sur la patate. Alors moi, je suis arrivé là, à ce moment-là. Puis, donc Pierre-Henri, il a emmené toute son équipe, les gens qui travaillaient avec lui. Et je me suis trouvé d'un seul coup en tête-à-tête avec Schaeffer. Ça rappelait les ruptures surréalistes, ça, oui, les excommunications ou les démissions. Et puis, il y avait Alain de Chambure qui était là aussi. On était trois. Schaeffer avait une sorte de radar extraordinaire, toujours en permanence tourné vers des tas d'horizons différents. Alain de Chambure. Tourné sur les conservatoires, sur les écoles techniques, sur les universités, et puis aussi tourné vers des quantités d'amis qu'il avait partout. Et il recherchait des gens qui avaient souvent plusieurs compétences. Moi, je venais du conservatoire, je venais aussi de la faculté. Et en réalité, il voulait quelqu'un, c'est ce qu'il avait demandé à Maurice Leroux, il voulait quelqu'un qui ait l'oreille absolue pour s'occuper de la technique. Je ne sais pas très bien à quoi correspondait cette définition, mais Maurice Leroux m'avait demandé de prendre contact avec lui, et pendant quelques 3 ou 4 ans, J'ai travaillé avec Schaeffer et toute l'équipe de. Enfin, à l'époque, c'était le club d'essai. C'était appelé la musique concrète, puis ensuite le groupe de recherche musicale. À l'époque, il y avait donc de grands anciens au club d'essai. Des noms comme Baraké, comme Sauguet, comme Boulez, comme Zinakis, je ne saurais pas donner la liste exacte, mais il est certain que c'était des gens qui avaient abordé la musique concrète, soit avec une passion de découverte, soit avec des traditions très, très fortes. Et Luc Ferrari est arrivé là avec une fraîcheur tout à fait différente de ce que l'on était habitué de rencontrer. Il est arrivé non seulement seul, mais avec des garçons qu'il avait connus dans différents milieux, dans différents travaux. Je pense en particulier à Jacques Brissot, qui était un cinéaste qui avait fait des films expérimentaux à l'époque et qui a donné un tout autre élan au club d'essai à l'époque. Cet élan, du reste, a abouti à la création du service de la recherche, car Schaeffer a compris qu'au-delà de la musique, on pouvait appliquer à d'autres disciplines, celle du cinéma, celle de la photographie, les disciplines purement expérimentales qu'il avait appliquées à la musique. Et Ferrari avait une approche poétique de tout ça. D'un point de vue d'organisation d'une petite communauté comme celle qui vivait rue de l'université, il est certain que ni les uns ni les autres n'étaient à même de prendre la direction comme l'aurait aimé Schaeffer, qui était aussi un organisateur et un grand administrateur. Ni les uns ni les autres n'avaient la vocation d'organiser, de gérer. Et tous les essais qui ont été faits à l'époque étaient catastrophiques, y compris du reste celui de Luc, qui n'avait pas du tout la mentalité d'un chef d'entreprise. De ce côté-là, ça ne marchait pas très très bien. En revanche, Schaeffer adorait tout ce qui pouvait jaillir des contre-emplois. Et là, de ce côté-là, il était servi. Écoute, antisonate, qu'est-ce que tu entends par antisonate? Oh, je sais pas, ça se trouvait dans un certain contexte à ce moment-là et que on faisait beaucoup de sonates et finalement il y avait aussi un retour à la sonate dans un style qui n'était pas le sien, par exemple les sonates de Boulez, etc. Et moi je me dis je vais pas faire une sonate, je vais faire plutôt une antisonate, c'est plus rigolo. Et puis ça, comme ça, ça a l'air d'être contre tout le monde, donc tu vois. Déjà à cette époque-là. Et ça date de quand? Je sais pas, ça doit dater. J'ose même pas le dire parce que ça me vieillit énormément, tu vois. Je sais pas, ça date de 1920, 1922, tu vois. Chose comme ça. Écoute, je vais la chercher, hein, parce que je me souviens plus. Pour faire 1898. Autour de Debussy, donc. Oui. C'est peut-être la même époque, on peut le mettre en deuxième partie. David Abramovitch, Luc Ferrari, préparation d'un concert. J'ai dîné avec Luc il y a quelques mois et il m'a parlé de quelques morceaux qu'il avait écrit il y a quelques années et qui n'ont jamais été créés en public. Alors, moi, avec ce concert en vue, j'ai eu l'idée de les créer. Et voilà les pièces dont je t'ai parlé. Ça, c'est lapidarium. Et l'antisonate. Et l'antisonate, voilà. Tu vois, c'est vachement simple. Ouais. Mais effectivement, ça serait très bien. Enchaîner immédiatement. Parce que l'écriture de la sonate de Haydn est assez simple, assez claire, ouais, et transparente. Ouais. Tandis que la deuxième partie est beaucoup plus épais. Il n'y a, comme... de... oui, a pas de 53. Oui. Hein? Ça date de 53. 53, tu vois. Ouais. Je ne m'étais pas trompé de beaucoup. Hein. Non. Enfin. Un peu déchiffré. Je suis toujours pour cigarette, enfin cigarette. Tu fumes pas, toi? Non. T'as pas énormément de travail à faire. Mais tant mieux. Simplement, tu c'est pourras le jouer un peu plus vite, oui. Ouais. Oui, ouais, oui. Ben, la première fois quand même. Hein. Ah oui, non. Ça reste plus ou moins dans le même style. Non, là, il y a un truc qui change un petit peu. Oui, bon. Qui sont à l'octave. Troisième part. C'est d'ailleurs ça, c'est tout de même un truc, disons, un peu sauvage. Oui. Dans le sens, pas brutal, mais de la sauvagerie instinctive. Ouais. Hein, c'est-à-dire, oui. J'avais, comme un rebelle, tu vois, il y avait un rebelle en moi. Donc s'il y en a un en moi, il faut que je change les notes, c'est ça? Et oui, c'est ça. Ça, c'est un peu différent quand même. Ah oui, ça, c'est marrant parce que c'est une forme sonate, finalement. Hein. C'est trop vite, hein, du coup. Ah, d'accord. C'est un accroche. Hein. Ah oui, pardon. Ouais. Ce truc. Pardon? Je crois même que c'est sériel. Pourquoi pas? Ou disons mais c'est pas ça, c'est pas là qui a l'intérêt. Bon, enfin, c'est un mouvement lent qui devient un petit peu agité. Oui. Mais tout en restant, je crois, dans le même tempo. Hein. Oui. Oui. Ça change tout, pas. Et puis c'est à la double croche. Oui. Mais c'est toujours très transparent comme texture. Oui. Mais comme je disais, le Haydn, qu'on ne connaît pas tellement, commence. C'est assez simple et clair. C'est joli, hein. Oui. Ah oui, c'est fantastique. Ouais. Ça s'appelle lapidarium. Qui veut dire quoi? Lapidaire. Non, lapidarium, pour moi, c'est un espèce d'endroit où on jette des pierres. Ah. Oui, c'est-à-dire que sont des femmes qui jettent les pierres sur les hommes. Ah. C'est de la même époque ? Oui, oui, oui. 2 ans près. Oui. Piano beaucoup plus, disons, pas impressionniste, mais expressionniste. Oui. C'est-à-dire où, finalement, moi, ce que j'appelle expressionniste, c'est le sujet qui est plus important que la technique. Ouais. Et là, c'est l'impression ou l'expression qui est plus important que la note. C'est-à-dire, je m'en fous, par exemple, ce truc-là, c'est pas les notes qui sont marquées qui importent, c'est un effet... Oui. Et puis là, j'ai... Ouais. Voilà, c'est pas les notes, hein, pour moi. D'accord. C'est vraiment des pierres, hein. Ouais. Oui. Oui, enfin, tu sais, c'est déjà pas mal, hein, de déchiffrer comme ça. Parce qu'il y a, on arrive dans un élément et on y arrive d'une façon matérielle, c'est-à-dire on y arrive en camion. Et c'est-à-dire moi ça m'a intéressé de faire arriver la musique en camion. Luc Ferrari, Algérie, la révolution agraire. C'est un reportage sur l'agriculture en général. Il y a plusieurs villages qui sont en cause. Et donc tout ce qui est là en montage et en mixage, ce sont des éléments, soit des éléments musicaux, soit des éléments d'interview, de conversation avec des gens, qui sont des éléments originaux. Je me suis passé en vidéo disque, j'ai enregistré moi-même les musiques, etc. Et généralement au même endroit. Les éléments du village qui sont aussi pour moi symphoniques, c'est-à-dire ils sont traités comme des éléments sonores au même titre que les autres. mais ils sont pas traités musicalement dans le sens où ils apportent une signification très très claire pour moi. C'est vraiment l'ambiance de ce village-là, c'est pas n'importe quel village, c'est le village d'où, dont parle le responsable actuellement en arabe. والحقيقة فرانا دائما في المستقبل احنا الخدمة رانا نخدموها هذه تعمل كان الاضرار اللي كان ولين كاينات تاع اسمو تاع مخازن اعمار وفي رباح ولين كني هما تبرعوا بها على كل حال وتخلفت في يد المستفيدين هذه اللي تبرعوا فيها قعدت تدخلها دخلت للتعاونية وانتم واش كنتوا المستفيدين واش كنتوا تخدموا قبل؟ احنا كنا على كل حال الانسان كان كنا فلاحه نخدموا من نهارنا على كل حال فلاحه لهنا في النواحي هذا نعم باقي ما زلنا نخدموا دائما فلاحه هذه Peu la situation de Sakapra tout en disant qu'ils ont été installés au mois d'octobre 1974. Il y avait des intempéries en premier lieu en Kabylie en 1974, c'était une période d'intempéries, mais de ce fait, avec leur vigueur, ils sont assez bien sûr dans cette Capra qui a 211 hectares. Ils ont eu 1 642 000 de bénéfices chacun. Ici, c'est ce qu'on appelle une coopérative. Oui, coopérative agricole de la Révolution agraire, purement et simple. Et cette coopérative comprend combien de familles ? 7 familles. Ils sont 7 attributaires. Mm-hmm. Oui, ils sont natifs de la commune, dans le parage de la commune, dans le passé. Le passé, bien sûr, il a un peu brossé tout en disant que nous étions des cultivateurs où ils louaient. Avant la rentrée en vigueur de la révolution agraire, ils louaient des terres chez des petits colons algériens, pour mieux dire, et ils travaillaient soit moitié-moitié, ou ils prenaient une quote-part qui leur revenait du bénéfice qu'ils avaient dans les terres qu'ils travaillaient. Bien sûr, après la révolution agraire, maintenant qu'ils sont des attributaires, ils ont un bénéfice, et ce bénéfice, je pense, et c'est réel, ils ne l'ont jamais eu depuis qu'ils sont dans le travail à leur propre compte. J'ai des amis algériens depuis très longtemps. Bien sûr, après l'indépendance de l'Algérie. Et ils m'ont invité plusieurs fois en Algérie parce que j'ai présenté des films, etc. Et puis, un jour, au cours d'un voyage comme ça, j'ai eu l'idée de faire un reportage qui me concernait sur ce pays-là que je connaissais mal, qu'on connaissait en France historiquement d'une certaine manière et qu'on ne connaissait pas d'une autre manière. Donc, ça m'intéressait de voir si je pouvais retracer une espèce de portraits différents de ce que l'on connaît de l'Algérie, à la fois en son et en entretien avec les gens. Merci beaucoup. يعرفوا كيما نقولوا الخدمه كي راه دايره ويعرفوا يدوا معلومات من عندكم كي راه دايره التطور الزراعي راك عارف الفايده تاعكم وكذا فهمت كيف المشاكل اللي راكم عايشينها يعني الامور يعني كل ما تخص التطور الزراعي يعني كذا فهمني احنا كل كل حال الله يدوم علينا اشتراكيه هذه وينا رانا عايشين فيها ودايرين عز ديليتور دو ريجيم سوسياليست de notre gouvernement qui nous a créé cette situation d'être coopérateurs et d'être un ensemble heureux. Oui. C'est la culture ici de cette. Il faut un peu de coopérative. Il faut un peu de tout. Des légumes. Je fais des légumes. Bêter, on fait des mots à l'homme collégial, on fait des mots le filfil, tomates, hummus. Alors après, comme diffusion, bon, ça a été diffusé en Algérie. Et ça, et puis ça a été diffusé ici dans des centres de travailleurs algériens, au cours de séances d'ailleurs, où on faisait des discussions avec les gens qui voulaient discuter de mon travail. Ah, ils décident du travail à faire en commun. Bien sûr, en commun accord. Ils ont un président. C'est lui qui fait des démarches auprès des administrations ou quoi, où il leur manque auprès des CAPS pour avoir du matériel, des tracteurs à chimie quand ils ont envie de labourer. Et ils ont aussi, c'est lui qui les représente auprès de la banque, la BNA, pour retirer ou avoir verser de l'argent qu'ils ont au cours de leur année de récolte. Et c'est lui qui dirige un peu, avec l'aide bien sûr mutuellement de ses confrères, qui donne des conseils à ses amis pour travailler ce temps. Ils ont fait élection entre eux, ils l'ont désigné comme étant président pour les représenter au sein de, envers l'administration, les organismes publics. Tout ce qu'elle en sait, c'est lui qui se déplace. Il travaille aussi la terre. Il travaille aussi la terre, il travaille comme eux. Voilà, là on peut arrêter. À propos de l'Algérie, oui, je vais parler aussi de la sidérurgie, parce que ça, c'est un autre genre d'éléments sonores, parce qu'il n'y a absolument pas de musique, mais c'est l'usine elle-même qui présente son atmosphère sonore, mais pas comme musique, parce que Dieu sait si c'est terrible comme bruit. Mais enfin, je veux dire que c'est... Il n'y a aucun autre élément sonore que les bruits de l'usine, il n'y a pas de musique. Quel est ton niveau CF. Est-ce que vous avez une formation en arabe ou là en français? En Ferrari, Algérie, la sidérurgie. Visite à El Hadja. Est-ce que vous pouvez m'expliquer au niveau de votre atelier comment fonctionne la gestion socialiste de l'entreprise? Pour nous, la gestion socialiste des entreprises, elle n'est pas appliquée, je pourrais dire même à 5%. Parce que avec un grand complexe comme ça, ça fait depuis 3 ans ou je ne sais pas que le décret a été annoncé. Pour nous, on n'a rien vu. Vous êtes d'accord, Alège? Absolument. La gestion socialiste des entreprises, il y a un problème de fond là aussi. C'est bien qu'on sensibilise l'ouvrier sur ses devoirs. C'est bien qu'on lui dise voilà ce qu'il faudrait faire pour mieux produire, pour augmenter la productivité et la production. Mais ça ne doit pas s'arrêter à ce niveau-là. Si la gestion salée des entreprises est considérée par les responsables comme un moyen déguisé de répression, puisqu'en fait il s'agit de sensibiliser l'ouvrier sur ses devoirs tout en faisant l'impasse sur ses droits, donc là, je dis que nous nous trouvons dans une impasse. L'impasse étant que l'ouvrier, par le biais d'une gestion socialiste des entreprises, a l'impression de participer à la gestion de son entreprise, mais en fait, on lui enlève tout, toute possibilité de revendiquer quoi que ce soit. Oui, c'est-à-dire que ça, c'est un problème interne. Moi, je dénonce une chose. Mais c'est étrange, quand on sort les choses d'un... des éléments d'un contexte comme ça, ça jette un éclairage tout à fait particulier, ça change le sens. Parce que quand même j'y ai assisté, j'étais attentif et je ne me souvenais pas d'une certaine virulence hein, quand même. Ah oui, non, mais il y a une virulence d'autant plus forte que c'était au moment des discussions sur la charte nationale. Donc ça tombait en plein moment où la discussion avait été instituée à tous les niveaux et où tout le monde se sentait la liberté fantastique de parler, de critiquer. Moi, j'ai assisté à des réunions où malheureusement, je ne comprenais pas tout. On me traduisait un petit peu, où c'était d'une violence inouïe, parce qu'ils attaquaient les délégués du parti, alors dès qu'ils arrivaient, ils sifflaient, enfin, tu vois. C'était vraiment... Ils étaient là pour faire des critiques qu'ils n'avaient peut-être jamais fait avant. C'est pour ça que c'est tellement virulent ce moment-là. Et en fait, ce que les ouvriers disent, c'est qu'il y a des choses qui marchent, et puis il y a des bonnes intentions, et de temps à autre, il y a vraiment des choses de fond qui ne marchent pas très bien. Effectivement, installer la gestion socialiste dans une usine immense, en plus de ça, fabriquer une usine de sidérurgie, c'est pas tellement simple. On voit ce que c'est en France, la sidérurgie. La faire marcher avec des techniques de pointe, parce que c'est tout de même une usine extrêmement récente. Et la faire marcher avec une gestion socialiste, ce qui est une invention, en plus de ça, c'est une expérience sociale et politique fantastique, donc ça pose des problèmes énormes. En plus de ça, dans un pays qui est en train de découvrir la technologie, où il n'y a pas de cadre, où les cadres sont obligés d'aller se former en Allemagne, en Europe, partout, où les techniciens qui viennent de l'Occident sont payés 10 fois plus cher que les techniciens algériens. Enfin, tout ça, ça pose des problèmes humains formidables. Donc ça, c'est le début, alors. Pourquoi je recommande le bureau pour nous ? C'est un ordinateur. Enfin, c'est toute la division fonte qui est représentée en maquette pour permettre aux opérateurs qui sont sur place de superviser les opérations qui se déroulent sur le site. Alors d'ici, nous avons des manœuvres qui sont automatiques et sur le site, des manœuvres manuelles. En cas de panne, l'opérateur qui est là donne l'ordre au gars qui est sur place qui peut faire fonctionner la machine manuellement. Nous voyons d'autre côté là, la préparation des matières, le chargement dans le four qui se fait par skip alterné. Nous voyons la récupération des gaz, là, l'épuration des gaz. Et au bas du four, nous avons un trou qui est bouché pendant la combustion. Lorsque la matière est prête, c'est-à-dire le minerai transformé en fonte, à une température qui varie entre 1200 à 1400 degrés environ. Nous débouchons le trou et vous avez la fonte liquide qui coule. D'un côté, nous évacuons le laitier qui est la crasse de la fonte et d'autre côté, c'est la fonte liquide qui est évacuée dans des poches tonneaux où elle sera transportée vers d'autres unités. En train de faire fondre ce qui reste, ce qui bouche le trou après le perçage, parce qu'il y a des particules là qui bouchent encore le trou. On les fait fondre avec de l'oxygène, c'est de la fonte donc qui sera chauffée avec de l'oxygène et automatiquement le trou se débouche. Et ça coule ici. Et vous avez la fonte liquide qui coule, attention, il y aura des projections là, attention, attention, attention. Attention, sinon on risque de perdre. Oui, oui. Attention, là, comment? Attention, là, on va en la fonte ici. On va encore aider d'ouvrir l'écartement du trou avec la perceuse, là, comme voit. Le problème des travailleurs, les sociales, les personnes, etc. Au niveau de la base. On descend en bas. Oui, oui. Ouais. Ouais, c'est là. Avec ceci, je voudrais une ou deux laitues. Ça dépend comment elles sont. Je prendrai un peu de cerfeuil là. Et puis. Sinon, qu'est-ce qu'il y a comme fruit, du raisin? Des poires. Les poires, elles sont bien? Oui. On commence. Donc, j'aurais ardé de la cuisse. Comment? La beurre ardée, peut-être un peu plus mûre. Ah oui, oui, oui, je vais en prendre. Combien je vous en mets? 1 kilo. Très bien. Je suis tiens, salut. Un Italien raté. Je suis un Français raté. Et puis, par mon père, oui, je suis avec un nom italien, un Corse raté. Par ma mère, je suis un Marseillais raté puisque je suis né à Paris. Par mon côté Corse, je suis un arabe raté. Par mon côté arabe, je suis un latin raté. Je suis aussi un latin raté puisque j'aurais voulu être un nordique. Je suis donc un nordique raté. Voilà, comme ça, c'est bon. J'ai toujours froid. Je suis un amoureux raté puisque la société ne permet que la concurrence et la haine. Je suis un gentil raté puisqu'on ne peut que se révolter. Je suis un révolutionnaire raté puisque je n'admets pas la violence. Je suis aussi un humoriste raté parce que je suis triste. Je suis un sérieux raté puisque je me moque de tout. je suis un raté total, puisque je me moque de la réussite. En outre, je suis un peintre raté, un musicien raté, un cinéaste raté, un écrivain raté, un organisateur raté, un administrateur raté, un PDG raté. Mais pourtant, j'ai des démangeaisons de partout. Oui, la vie me démange. 22 fois. Voilà. C'est un fromage, ça doit aller. Hein. S'il y avait tant papier, il n'y en a pas. Bon. Ben 6, 20. 40 et 50, merci. Merci, au revoir. On y va à pied alors. On y va à pied. Une fois que ça m'a monté, on avait monté un gros bateau. Ici ? Oui, c'est que j'ai. Noir. Jacqueline et Brunet avaient pris l'ascenseur. Et il y en avait une d'elles qui avait cogné sa tête contre le signal d'alarme, mais ça avait juste sonné un petit peu, ting, comme ça. Et avec Luc, on a fait croire que la concierge était sortie en chemise de nuit, furieuse. Quand le lendemain, Brunil est allé s'excuser auprès de la concierge, qui ne comprenait pas. Encore. Tu joues du piano ? Non, je ne joue pas, j'essaie de bouger mes mains dessus. Je joue très mal. Surtout quand il fait froid, alors tout va à travers, tous les doigts se mélangent. Hein ? Tous les doigts se mélangent quand il fait froid. Qu'est-ce que vous avez acheté ? Tiens, regarde, je vois un... on va faire un radis. Voilà. C'est le rôti ? Oui. Elle m'a conseillé de le faire à la cocotte. Minute ? Non, cocotte. Cocotte, cocotte ? Oui. Bon, et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il n'y a pas de légumes ? On a de... J'ai acheté du riz. Il n'y en avait plus ? Ben, je sais pas, comme j'ai pas regardé avant de descendre, je me suis dit autant en acheter. De toutes les manières, le riz, c'est pas perdu. Non, non. Mais je fais pas une cuisine très compliquée. Pour moi, quand je mange ici à midi, tout seul, je me fais des petits trucs, quoi. Mais en fait... Tiens, c'est Sophie. Tu crois que je fais les deux salades ? Active-toi un peu, Luc. Hein. Ah. Active-toi un peu. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est chouette, elle a remis des jarrelles. C'est vrai ? Ça se fait plus, ça. Ah, c'est super. Ah, ça, c'est merveilleux. C'est ah, mais tu en as aussi, toi. Ben oui, mais hein? J'en ai souvent. Hein. Ah, mais je t'avais pas. Parce que je me suis toujours demandé si les bas à couture, c'était des... Si on faisait des... Comment ça s'appelle on des fait collants. Des collants aussi. Hein. Des collants à couture. Oh, on en fait, oui. Ça existe c'est, là, c'est pas net comme ça. C'est pas net, hein. Ah, c'est pas net hein. Comme ça. Je sais pas, moi, j'ai... Oh, j'ai une balle qui file. Est-ce que tu peux laisser couler de l'eau chaude si tu oui. Non, surtout ce que j'ai acheté aujourd'hui. Couche. Tu peux faire quelque chose? Où est-ce que je peux m'installer, moi cuisine, ben, pour faire la vaisselle, la salade. Je voudrais faire ça. C'est du croissant. C'est du croissant? Oui. Oui. De l'huile d'olive. D'Espagne. L'huile, parce qu'il ne faut pas rigoler avec la salade. Quand, si on ne fait pas souvent de la salade, et quand on fait de la salade, il faut autant que ce soit du d'huile. Pourquoi tu fais pas de salade? Parce que quelquefois, on se laisse aller. Tu vois. À la paresse. Ouais, à la paresse. T'as moi, pas envie de la laver les tomates comme ça? Non, c'est pas une question de laver, mais c'est une question que pour faire la salade, il faut beaucoup réfléchir. Et en plus de ça, il faut être extrêmement intelligent. Pour la saisonnement. Oui. Par exemple, ça, c'est du vinaigre que mon ami Henri m'a apporté de Narbonne. C'est que c'est vachement important, le vinaigre. Hein. Et en fait, si on peut ne pas en acheter, c'est bien mieux. C'est-à-dire le faire soi-même ou bien se le faire apporter par des copains. Et nous, ça fait des années qu'on en a fait. Et ça, c'est du vinaigre qui est fait à moitié avec du vin de corbière et de l'alcool. Tu sais qu'il n'y en a pas assez, là, hein? Non. Ne fais pas une sauce médiocre, hein? Oh non, mais ça, je vais faire une sauce super, tu vas voir. Elle est tout jeune. Et toi, tu fais quoi? Moi, je te regarde pour l'instant pour voir si tu mets bien tous les ingrédients. Tu fais quoi dans la vie? Ah, vous, c'est pour apprendre. Oui, je sais pas faire très bien les assaisonnements. Ah, si, toi, tu fais très bien la salade. Ah, oh, oui. La base, c'est-à-dire le tu mélange. Pas mis de poivre. Pas encore. Parce que avant. Il faut faire le mélange entre l'huile et le vinaigre et le sel. Ça, c'est très important. Si ça, c'est réussi, le reste vient ça tout dépend. Seul. Il y a d'autres méthodes, oui, mais moi, c'est ma méthode. Je crois que ça va aller, là. Et ça, c'est pour qui? C'est pour les lapins? D'accord. C'est beau, ce son. C'est moi quand je fais la salade, je suis plus musicien. Bon. Il n'y a plus de sauce au pistou. Si, sous un papier d'argent. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est de la tapenade. C'est de l'olive? C'est une purée d'olive. C'est ça qui est étonnant. Faut pas de grumeaux, hein? Ah non. Tu peux y aller maintenant, tu peux goûter ça? Oui. Mais c'est pas encore fini, hein? C'est commence à être intéressant. Hein? Bon. Alors après, c'est... Je profite que Brunhilde n'est pas là pour mettre une chose qu'elle aime pas, mais à chaque fois elle reconnaît. Attends, merde, où est-ce que c'est? Tu vois, elle me le cache, je suis sûr. Tu vois, c'est ça, exactement. Non seulement il était caché, mais le dos à la vision. Pourquoi c'est aphrodisiaque? Non, bah, tu sais, tout ce que je mets là, de toute manière, c'est aphrodisiaque. Mais ça ne veut pas dire que ça fait quelque chose, parce que si on n'a pas besoin d'aphrodisiaque, on ne reconnaît pas quand c'est aphrodisiaque. Alors, Luc Ferrari, Société 1. C'est quoi comme ça? La partition? Bon, ouais, j'ai la partition. Mais je sais pas si ça va me servir. Denis, non, des problèmes? Non, mais oui. Oui, alors... un homme qui n'a pas une personnalité très marquante. Tu joues de la contrebasse. Tu joues quand même de la contrebasse. Bon, enfin, ce qui est quand même... Ça va peut-être pas toujours ensemble, mais cette fois-ci, oui. Et du point de vue musical, il a plutôt tendance à imiter les autres, à se prendre pour quelqu'un de très fort, ce qu'il n'est pas. Et il s'en fout. Et il a un petit peu jeté son dévolu sur la pianiste. Et une de ses animations préférées serait d'avoir quelques attitudes plus ou moins grossières envers la pianiste. Bon, et tes problèmes seraient de quel ordre? Ben, les problèmes sont de simplement essayer d'adapter un caractère à quelque chose que l'on n'est peut-être pas, et puis se sentir peut-être un petit peu... à l'aise par rapport à un ensemble de gens que l'on ne connaît pas non plus complètement. Oui, moi je crois qu'il y a une chose intéressante, c'est qu'il y a un trio relié par certaines actions communes, mais qui ne se rencontrent jamais. C'est toi, c'est la contrebasse, il y a la pianiste et il y a le percussionniste numéro un. Bon, chacun s'intéresse à autre chose que celui qui s'intéresse à... au personnage en question. Donc on pourrait parler de cela un petit peu. Dire donc toi tu t'intéresses à la pianiste et toi alors Christine qu'est-ce que tu dois faire? Tu es la pianiste. Que tu fais? Je suis la pianiste et je m'intéresse au percussionniste. Et bon, j'essaie de le séduire. Bon, moi je suis le premier percussionniste. Je suis un super professionnel, quoi. Enfin, qui connaît bien son métier, qui s'intéresse qu'à son métier, quoi. Je m'intéresse qu'à la percussion. En plus, j'ai certaines facilités pour la pédagogie, puisque j'essaye d'expliquer à tout le monde pourquoi je fais, comment je fais, etc., etc. Alors, toi, t'es un professionnel tout de même, Pablo. Et puis, il y a d'autres. Qui joue vraiment, c'est-à-dire toi, saxophoniste. Alors lui, en fait, il y a très peu d'actions scéniques par quelques déplacements. Lui, ce qui l'intéresse, c'est pareil, c'est un musicien professionnel, sérieux. Alors, on remarque qu'il joue plus souvent que les autres, non par plaisir, mais par devoir ou par plaisir du devoir. Alors, c'est marrant. Et bon, je continue imperturbablement au milieu des situations les plus hétéroclites. Alors voilà. le trombone Le trombone, c'est un musicien qui est assez qualifié, mais il est très rêveur, il est toujours à côté de ce qui est... À côté de la plaque? Oui, à côté de la plaque, et comme ça, il rêve, il se souvient de ses voyages en Afrique peut-être, c'est pas précisé, mais c'est peut-être là, d'où aussi le son du trombone dans le dans le désert, peut-être. Et toi aussi, tu es un instrumentiste qualifié. Alors, elle, c'est la clarinette. Dorine, oui. Oui, mais je joue la clarinette. Mais mon souci majeur, c'est plutôt de mettre les choses en ordre et de voir que tout soit rangé. Je suis une maniaque. Autrement, je suis élégante, propre, bien proportionnée, ordonnée. Mais il se glisse un soupçon, un trouble imperceptible dans tous mes gestes. Et je suis sensible au charme que je répands. Et c'est là où ma mécanique se... Là, c'est quelqu'un qui est un peu coincé, quoi, Julien. Non, je crois pas. C'est quelqu'un qui est totalement contradictoire. Hein? Oui, ambigu. Oui, ambigu. Elle est très troublée sensuellement. Et finalement, ça introduit du désordre dans son ordre. C'est un cas psychanalytique, quoi. Oh là là. Bon, alors, il y a le percussionniste numéro 2. Alors, percussionniste numéro 2, je ne m'intéresse absolument pas à mes instruments. Ce qui m'intéresse, c'est la communication. Je considère que les gens qui sont autour de moi ne sont pas du tout assez conscients politiquement de ce qui se passe. Et je suis particulièrement choqué par l'attitude des jeunes femmes en particulier, qui n'ont vraiment aucune morale, parce que j'associe politique et morale. Et je vais surtout essayer de remuer les gens, de leur faire la morale éventuellement, surtout le violoncelliste qui est assez choquant quand même. Et empêcher la pianiste de violer le percussionniste. Bon, ben on va peut-être commencer, on va essayer. Hein. Bon. On y va, si on passe ? Oui, oui. Bon, attention. Silence tendu. Allez-y. Un super flat. Je vais jouer un flat spécial. Flat de ma composition. Cette partition devrait être réalisée dans un local disposant d'une sorte de scène ou estrade. elle peut aussi être réalisée en appartement comme un jeu de société. Quelques instrumentistes ou acteurs vrais ou faux sont sur la scène et jouissent d'une partition vraie ou fausse. Je ne sais si cette partition existe. C'est pourquoi on peut remplacer son absence par une fausse partition qui, à ce moment-là, deviendrait vraie. C'est comme les lois. Avant qu'on les invente, elles n'existent pas. Une fois qu'on les a inventées, elles existent comme lois et comme sacrées. Ils ont en plus une liste de choses à faire, appelée partition d'action. Ils peuvent répéter plusieurs fois une action ou en boucle une série d'actions s'ils le jugent nécessaire, en fonction de l'intérêt qu'ils éprouvent et de l'organisation de l'ensemble du moment. À la fin de la partition d'action, reprendre au début. Animal en ce qui concerne les congas, soit synthétique en ce qui concerne les bongos. Mais moi, ce que je trouve très intéressant, c'est la main, c'est le toucher. Dans les bongos maintenant, on n'utilise pratiquement plus. Ils doivent tenir présent à l'esprit justement, qu'une action doit gêner les autres. Essayer de pousser, vraiment, si besoin est, cette gêne ça sert, jusqu'au ça désordre. Avec la main, effectivement, on peut avoir un certain nombre de sonorités complètement différentes, complètement... Et bien, dedans, plus court. C'est très encombrant. Contraster les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire, par exemple, si je joue ça, sur le même instrument, c'est complètement différent de ça, de ça. Est-ce qu'on peut caresser l'instrument? Oui, ça existe dans certaines partitions, de musique très contemporaine. Très contemporaine. C'est-à-dire que c'est un instrument qui a une sonorité très viscérale, je dirais. C'est-à-dire que... Ça vient du vent, quoi. C'est pas ça. Écoutez, la situation politique actuelle est extrêmement défavorable. C'est-à-dire, si je prends par exemple... Vous savez aussi bien que moi. Qui est un instrument... Il faut donc réagir au coup dur que nous inflige le pouvoir. Quand je... Avec les forces qui sont les nôtres. Non, ça Sincèrement, c'est vraiment pas possible. Je suis désolé, mais retourne jouer à ton piano. Mais non, mais je voudrais savoir comment il joue de cet instrument. Laisse-le tranquille. Je me souviens des éléphants. Ils mangeaient des cerises. C'était des cerises pas encore mûres dans la jungle. Attention, t'es lolo. Bon, je vais vous jouer ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est une pulsion rauque. C'était le bon temps. Bon, allez, on va jouer tous ensemble. Il y a une boulette, celle-là. À mon signal. On jouait des hymnes coloniaux. Oh, à mon signal, on y va, hein. Si on bouge ces instruments, est-ce que ça va changer quelque chose? Je joue. Non mais qu'est-ce qu'on peut jouer? Quand j'ai mangé du singe, je lardon. On peut jouer tous ensemble un moment? Je déplace les instruments. On peut jouer tous ensemble un moment? Pauvre mec. Je me souviens des filles qui couraient dans la jungle. Qui me couraient après, bien sûr. Que reste-t-il de nos amours? Avance. Allez, prêt. Au début. Mesure 1. Plus concentré. Hein? Avec la percussion. Je recommence au début. Voilà. Percussion et flûte. Thank you. Ça swing. Vas-y, Polo! Je joue pour la deuxième fois après le départ du flûtiste. 10 ans de conservateur, en fait. Si on pouvait effectivement faire l'amour avec autant de facilité qu'on se lave les mains. Qu'est-ce que vous en profiteriez-vous faire l'amour? T'en es même pas capable! Je veux dire, qu'est-ce que vous profiteriez de cette situation? Je joue un coup. Qu'est-ce que c'est de ça ? Encore. Les auditeurs, ils font n'importe quoi de nos jours. Je précise ma question. Est-ce que vous pensez qu'il serait moral, ce serait une possibilité de la situation ? Je joue un flat. Non, c'est vrai. Non, ouais. Quand on propose la musique, il faut tout prévoir. Non, mais cette question, j'aimerais que vous vous la posiez individuellement, comme ça. Et réfléchir 2 minutes, quoi. Je joue tour, par exemple. Un super flat. Je joue un super flat. Tu crois pas que ton action est particulièrement néfaste? Ouais, c'était actuellement ça, la difficulté, là. L'action. Pour tenir les baguettes correctement, il faut prendre la baguette entre le pouce et l'index au niveau de la première articulation. Il y avait des éléphants qui s'accrochaient aux branches par leur tronc. On allait boire un café. Des chats sauvages qui mangeaient du ronron. L'articulation du poignet. Des poissons dans la rivière. On va prendre l'air un peu. Hein. Les singes qui mangeaient les poissons. Les poissons qui mangeaient les escargots. Et les singes qui roulaient dans leur alpha à 120 à l'heure sur les pistes. On va jouer tous ensemble sur la ligne de basse. Vous entendez la ligne de basse? Alors, à mon signal, la percussion numéro 1. Alors, c'est un instrument qui est maintenant usiné, mais qui allait, enfin, à l'origine était de fabrication artisanale. Donc, tu pourrais nous montrer ce que ça donne, s'il te plaît. C'est un bureau, c'est-à-dire, c'est un... Alors, la flûte géniale. Cylindre. Enchanté. Enchanté. Ah, j'avais pas trouvé ça. Enchanté, la flûte. Strié. Ouais, c'est pas ça qu'on va... La basse, brûlant. Enchanté. Ah, tu peux recommencer, pardon ? D'un objet brûlant. Bon, plus fort. Plus fort, hein. La longueur de l'objet par rapport à l'endroit de friction. On varie. Pardon, vous allez là ? C'est-à-dire que le son est complètement différent. Écoutez bien. On peut aussi faire des glissandos. Des glissandis, pardon. Quel et on descend. Homme. Elle fait un soutien. Eh bien, je vais recommencer au début. Mais plus, un peu plus, hein. J'ai nul. Ça va? Un peu mieux, un peu plus. Non, excuse-moi, je me suis un peu énervé. Non, mais... il remet tous ses instruments, je peux pas. Ouais, non, mais je comprends. Non, je comprends. Mais je trouve que c'est quand même suffisamment important, tu vois, de donner ce que tu as à donner. Partir, mais j'avais quelque chose à te dire, tu sais. Tu m'as tellement bien expliqué tout à l'heure comment ça marchait que j'aimerais bien une explication supplémentaire. Je recommence au début. Oui, mais Moi, je crois que ça serait mieux si on était allongé par terre. Je joue d'après la partition. Non, mais... Là, c'est beaucoup mieux comme ça, beaucoup plus loin. Société 1 symbolise modestement la société. Proposition d'action pour le public. Le public peut se procurer ou s'inventer un instrument. Il aurait même pu en apporter un de chez lui. Taper sur la table une fois du plat de la main. Siffler une mélodie brève et connue. Taper du pied avec colère. Claquer une fois des mains. Se lever et faire des sémaphores avec les bras et se rasseoir. On peut, si on y tient absolument, faire du sémaphore avec les jambes. Taper sur la table des coups rapides et irréguliers avec un objet dur. Alors vous faites bien, se pencher vers son voisin ou voisine et lui parler. Un peu de gros sel dessus. Caresser son prochain. Jouer trois notes rapides avec l'instrument. Crier et boire un coup. Siffler une mélodie inventée et brève. Jouer avec l'instrument et pas trop longtemps. Des choses irrégulières et libidineuses. À défaut d'instruments, faire la même chose du plat de la main sur un objet quelconque. Taper des rythmes rapides avec un objet dur. Allumer une cigarette, non-fumeur s'abstenir. Ne rien faire, seulement regarder. Immobilité complète et tragique. Obéir ou non, c'est la question. Mais il faut pas dire les noms, sinon commander à boire ou à manger. Se faire cuire un œuf. Silence et observation du travail au bout qui se pas, au bout pas parce qu'on est tellement causer avec animation au voisin ou à la voisine de cœur, qui n'est pas fatalement la personne qui se trouve à côté. Et dire des choses sensées. Faire les gestes usuels de la profession exercée par chacun. Ah non, les gens d'oiseaux, sans profession, s'abstenir et apprendre. C'est que parler à quelqu'un, n'importe qui, et dire n'importe là, quoi. Je dire à quelqu'un et pas n'importe qui, quelque chose d'important. C'est une question de fond, hein. C'est une question de fond. Alors laquelle? T'es plus écologiste? Mais écologiste, qu'est-ce que ça veut dire être écologiste? Je sais pas, il y a quand même eu un moment où tu t'es particulièrement intéressé. Pas du tout, moi j'étais... Quoi, le Larzac, tout ça? Mais non, mais ça c'est pas être écologique, c'est s'occuper des problèmes essentiels. Tu chantes? Bah oui, mais ça c'est pas de rentrer dans une quelconque mouvement écologique à la mort moelleux. Je sais pas ce que t'as pour vous. Tu dis. Oui, mais quand même, il y a des... D'ailleurs, la meilleure preuve que j'ai pas été écologiste, c'est que les écologistes ne se sont jamais préoccupés de moi. Alors là, ouais, j'étais tranquille de ce côté-là. J'ai fait un boulot écologique fantastique, hein, parce que faire des années de travail sur les problèmes de la pollution, sur les problèmes de comment le capital pollue, etc., plus avoir fait un grand oratorio qui s'appelait « Allô, ici l'Inter », qui m'a coûté 2 années de travail. Jamais un seul écologiste ne s'est préoccupé de ça. Tu comprends? C'est fabuleux. Les écolos suisses. Mais alors, qu'est-ce que je disais là à propos de ton... Avant l'écologie. Tu parlais du radis noir. Ah non, tu n'étais plus d'accord pour l'utilisation des oiseaux. Ah, non, c'est pas... Tu sais, là, à côté, quand on est entré dans le jardin, j'ai dit, il n'y a pas d'oiseaux en ce moment parce que c'est l'automne, etc. C'est pas vrai. Ils sont en train de partir. Hein? Les hirondelles se rassemblent. Non, mais il y a des oiseaux en ce moment. C'était pas l'heure. Mais on est tellement dans une ville qu'on ne se rend pas compte. On sait plus rien. On sait plus à quelle heure chantent les oiseaux, s'ils s'en vont, s'ils restent. C'est bon, le plus gros son? C'est délicieux. Donc, ceux qui a vu le cerf, c'est ce que c'est drôle. Ouais, oui, c'est gay quand même. Ah, oh, c'est gay. Plutôt. Ah oui. Qu'est-ce que c'est qu'un cerf, ça? C'est le vent du nord-ouest. Qui souffle sur les corbières. presque sans interruption 350 jours par an. De toute façon, ils ne pourraient pas vivre sans le vent, parce que quand il n'y a pas de vent, ils sont malades. Et c'est extraordinaire, ça les rend en même temps un peu fous, ça leur rend pleine d'imagination. Alors Luc, ce qui a vu le cerf, phénoménal. C'est quoi? C'est un vent qui souffle du nord, dans les Corbières. C'est pas... En fait, c'est une pièce qui est située dans une région, hein, puisque le cerf c'est un vent régional et qui était destiné à des gens de cette région-là. D'une part, les choses qui ont été enregistrées sur la bande sont des choses de la région, des bruits d'un village tout à fait particulier et la psychologie aussi, des choses. Puis les gens que j'ai rencontrés, des musiciens régionaux, sont devenus mes amis et qui l'ont joué. Certains ayant fait des études classiques, d'autres n'ayant pas fait, mais ayant tout de même une attitude jazzistique, hein, c'est-à-dire ayant tous trempé plus ou moins dans des périodes de jazz dans leur existence. Ayant plus ou moins été éveillés à la musique par l'écoute du jazz. Ça, c'est important. Mais ne faisant pas fatalement une musique de jazz. Thank you. Ce qu'a vu le CERS. Réflexion sur l'écriture. Henri Fourest, piano. Richard Breton, guitare. Alain Joulet, percussion. Jules Calmette, flûte et saxophone. Étant donné qu'il habitait dans un village, qu'il était ouvrier maçon et qu'il n'avait jamais entendu parler de la musique, un jour il écoute Coltrane et il dit je vais apprendre à jouer du saxo. Et donc, il apprend à jouer du saxo en écoutant Coltrane. Mais pourquoi il apprend à jouer du saxo? C'est parce que ça réveillait en lui sa capacité de parler à travers son saxo. Donc, il a appris le saxophone d'une façon complètement irrationnelle. Il connaît pas les doigtés. Il a inventé les doigtés par l'oreille. C'est donc vraiment le propre, le plus profond de la culture orale. Il avait la mémoire des sons. Et il s'est fabriqué un propre langage. Et je pense que c'est un des saxophonistes importants en France. Il n'est pas connu, il vit dans un village de 1000 habitants, tu vois. Il s'appelle Jules Calmette. Bon. Tu t'es trouvé devant un paradoxe. Il a fallu que tu fasses une partition pour cette pièce. Une partition ouverte, sans doute. Comment tu as conçu la pièce? J'ai fait une partition qui m'intéressait de faire. C'est-à-dire, ça s'appelle aussi « Réflexion sur l'écriture ». Et j'ai fait une partition qui relate une partie de la réflexion sur l'écriture. Et la réflexion sur l'écriture étant une réflexion sur la non-écriture. Et j'ai presque pas écrit. J'ai écrit un thème de trois notes, de temps à autre, sachant qu'il y avait d'autres repères pour changer de thème. Et eux, les gens de la non-écriture, c'est-à-dire des traditions orales, leur rôle, c'était de changer tout ça, de manipuler, de devenir des compositeurs au sens de responsabilité. Le compositeur étant responsable devant l'histoire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand les gens qui parlent deviennent responsables devant l'histoire. Bravo, hein. Crac. Attention. Tu en es bien consciente de tout ce que tu dis. Moi, je suis ébloui. Qu'est-ce qu'il a marqué d'autre? Coche. Il y a un petit coche. On croit comme ça que ça diminue, que la salade est venue par hasard. Ben non. Non, j'ai rien prévu. Non, mais je sais que je fais. Il va tout décider. Je cherche du vin parce que. Ouais, il est là-haut. C'est la catastrophe. Il est là-haut. Non, il est là-haut. Attends. Il y a une fleur qui vient de tomber. Hein? Luc, allez. On n'est jamais arrivé à. Bon, attends, je voudrais poser. Et cassé de bon. Je voudrais poser une question à Luc. Question très simple. Vers quoi tu te diriges en tant que compositeur? Je ne saurais pas répondre à ce genre de truc. C'est-à-dire, composer, se diriger vers quelque chose, je crois que je ne me dirige pas vers quoi que ce soit. Alors, comme il m'est arrivé des tas de choses, je peux très bien dire que j'espère qu'il va m'en arriver d'autres. C'est-à-dire, je me sens maintenant un petit peu... En manque d'aventure. Je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des aventures qui soient en dehors de la musique. Parce que la musique en tant que telle, en tant que compositeur, normal, classique, je veux dire, faire de la musique, écrire des partitions, réaliser des compositions, et la chose que je considère comme pas du tout aventureuse. Donc, c'est ça. Est-ce que je vais arriver à continuer à avoir des aventures?